Rockin' on your radio. Et bon début de journée à vous, bon week-end sur Skyrock. C'est l'heure du Hit Skyrock Fnac, le Hit Skyrock Fnac, le classement des 19 titres les plus vendus dans toutes les Fnac de France. Tout à l'heure aux alentours de midi, on saura si Manu Chao est toujours numéro 1 du Hit Skyrock Fnac. Pendant le Hit, on va faire tourner la Skyroulette également. Dedans, il y a toujours des PlayStation 2 avec des télé écrans plat 55 cm à gagner et des places pour les deux concerts d'Arkelly. Arkelly en concert le 5 octobre à Paris et le 10 octobre à Marseille. La Skyroulette a tourné dans l'heure au 01 53 40 30 20. Et puis comme chaque semaine, on démarre le Hit avec le récap des 5 premiers de la semaine dernière. En 5ème la semaine dernière, c'était Mary J. Blige avec Family Affair. De 10h à midi tous les dimanches, le Hit Skyrock Fnac. Les meilleures ventes de singles dans toute la France. Numéro 5. Vente de singles dans toute la France. Numéro 4. Yeah. Il y a au

dimanche, de 10h à midi, le hit Skyrock Snack. Et à la semaine dernière, à la deuxième position du hit Skyrock Snack, c'était MC Solar avec Hasta la Vista. Dans une dizaine de minutes, on va s'attaquer le classement de cette semaine, les 19 titres les plus vendus dans toutes les Fnac de France. Le hit Skyrock Snack tous les dimanches de 10h à midi. Puis avant ça, on écoutera le numéro 1, c'était Manu Chao. Le numéro 1 de la semaine dernière, Manu Chao avec Mi Gustas Tu. Et puis il y a la Skyroulette à faire tourner dans une demi-heure. Vous nous appelez maintenant pour la faire tourner. Dedans des places pour les deux concerts d'R. Kelly en France, le 5 octobre à Bercy, à Paris, et le 10 octobre au Dôme de Marseille. R. Kelly qui a choisi Sky pour ses deux concerts en France. Et puis dans la Skyroulette, tous les jours, on vous file une PlayStation 2 avec une télé écran plat 55 cm. C'est un truc de dingue. Ça vaut plus de 6000 balles. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez maintenant pour faire tourner la Skyroulette. Yo, what's up, y'all? This is R. Kelly, and I'm right here on Skyrock Radio. Skyrock t'offre le concert d'R. Kelly. R. Kelly en live. 200 places de concert. 200 places de concert. 200 places pour l'événement R&B. R. Kelly en live. Tu fais tourner la Skyroulette et tu chopes des places pour voir le numéro 1 R&B sur scène. R. Kelly en live. R. Kelly en concert avec Skyrock. C'est 200 places à choper en exclu dans la Skyroulette. Rap and R&B non-stop right here on Skyrock Radio. Vous avez un nouveau message. Paul, hier j'ai dit Angela, t'as bien un portable avec la carte SFR ? Elle répond oui. Alors je dis, le seul numéro que tu peux appeler deux fois plus c'est le mien ? Elle répond oui. Là je lui lâche, mais quand tu me dis que c'est trop cher de m'appeler, c'est vraiment que tu me prends pour un ringard. Et tu sais ce qu'elle me répond ? Oui. Et oui, la carte SFR est la seule carte à vous offrir moins 50% vers un numéro. Appel vers un numéro fixe ou SFR au-delà de la première minute indivisible. Conditions et informations 0805 77 6000. La carte SFR, ce n'est pas une carte, c'est LA carte. Skyrock. Skyrock présente le très très bien de Jamel. Vous me reconnaissez ? C'est Jean-Paul Gaultier. La star de l'humour a encore frappé. Omar et Fred, Barry White. Please, Mr. Barry White, can you do singing with me? Du cinéma de Jamel à la série H. Je vais faire la grève de la parole. Le très très meilleur de Jamel, enfin en vidéo et DVD, avec Skyrock et MCM. Là, j'y suis le roi. Skyrock. Le groupe d'Eminem découvert sur Skyrock débarque sur le 0892 68 36 35. 0892 68 36 35. Joue et rappe un lecteur DVD. Un lecteur enregistreur de mini-disques, une carte pour un an de ciné gratos, plus l'album Devil's Night de D12. Lecteur de DVD. Carte de ciné, album de D12, c'est maintenant sur le 0892 68 36 35. Et par Minitel 36 15 Skyrock. 0,34 euros la minute. Eminem présente son groupe au grand complet, D12. L'événement D12. Premier album Devil's Night, produit par Eminem et Dr. Dre. Déjà dans les bacs. Un disque Universal Music. Demain, 6h39, Tiful revient sur Skyrock. Encore plus longtemps. On est là jusqu'à 9h maintenant, tous les matins. Encore plus drôle. Un peu moins con. Imbécile. Avec plus de Marie. Ah oui. Plus de Romano. Plus de famille. Ouais, alors c'est quoi le bordel là ? Tiful ? Ah, Tiful, non ! Tiful. Demain matin, 6h39 sur Skyrock. Et Skyrock à Paris, c'est sur 96 FM. Premier sur le rap, c'est Skyrock. Et avant de réattaquer le hit, c'est les Snipers et Jimmy Sissoko quand on te dit sur Skyrock. On m'a dit, plaque renégat, lâche le shit, c'est pas bon pour Watt, ça va finir par tu être un conseil, te pète plus la boîte. Je crois que ça va pas être possible. Comme dirait Zebda, c'est un pour mon popo et deux pour ma Zebda. Quand je fume un peu trop, je m'en bats, ça glisse trop. Spliff au bec, je suis azelé comme un alcoolo. Bistro, je peux pas chez là. Quand j'ai dit, frère, j'ai là. Vibe d'un sniper, tout pas fly, high est là. Plaque renégat, viens pour ma chambre bleue. Show. Flow mortel, conseil pour faire brûler ta zone. Lève ta main, fous le bordel si t'es chaud. Garde la vibe, ce que je lâche au micro. Et dis-moi si c'est taille ou si ça dépouraille. Mais non, dis ce que tu veux, je m'en bats les yeux. Je suis shit taille, un bon verre de sky. Quelques tables de taille. Oh la la la la, et je suis paré pour le freestyle. On me surnomme le junkie. Le fire space conquis. Le conquis. Ensemble c'est pas, formule c'est pas. Et fais du son qui. Black, mon place à moi c'est Black Renégat. Hey. Oh. Ouais. Ouais. Hey, hey, hey, hey. Où sa musique Pour le moment j'ai aucune envie. Ils m'ont dit que j'étais un endormi et ils me l'ont reproché. Mais je leur ai dit, j'avais choisi de faire du rap dans la vie. Tunisiano, qui cause, pose à grosse dose. Et si jamais t'as l'osmose, c'est que t'es tombé dans le panneau. Gratteur de maille, baiseur de stuff, insulteur de keuf, coiffeur de teuf et amateur freestyle. Ouais tu captes un peu, on te la raconte et on est tous tricards. C'est malheureux mais on est condamné à une vie de smicard. Au départ, jamais perçu le rap comme une obligation. Une révélation, un arc s'est vu être ma passion. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Sniper, groupe d'ingus, Nabus qui perd les pédales et adepte de cunilingus. Tout lui fait mal à la tête, en plus c'est un mangeur de smoule. Ouais t'as vu, je suis le bougnoul avec la coupe à la youle. Rasé tranchant, affûter la rime, c'est mon penchant. C'est franchement pendant, en plus on le fait en chantant. Chris sauf qui peut, sniper, trois petit peu qui font parler d'eux à chaque fois. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Je pose ma voix, réputation, bête de scène. Des rimes obscènes, encore tout lui qui fait des siennes. Faire bouger les fessiers, c'est tout ce que j'aime. Sacré snipe, snipe, snipe, à la prochaine. Tous les dimanches, le Hit Skyrock Fnac. Les meilleures ventes de singles dans toute la France. Numéro 1. Me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gusta. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. En tête du hit Skyrock Snack de la semaine dernière, c'était Manu Chao sur Skyrock avec Mi Gustas Tu. Manu Chao sera-t-il toujours numéro 1? Vous le saurez tout à l'heure aux alentours de midi. Là, on attaque le classement du hit de cette semaine. Tous les dimanches, de 10h à midi, le hit Skyrock Snack. En 17ème position, on va écouter Lil Bow Wow et Snoop Dogg avec That's My Name. En 18ème, ça sera Shaggy avec It Was Not Me. Et cette semaine, en 19ème position du hit Skyrock Snack, c'est Craig David avec Walking Away. Numéro 19. Claim I tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa.

10h à midi, le Hit Skyrock Fnac. Et cette semaine, en 16e position du Hit Skyrock Fnac, c'était Nelly avec Ride With Me, les 19 titres les plus vendus en France, dans toutes les Fnac de France, et tous les dimanches sur Sky de 10h à midi. Le Hit Skyrock Fnac, en 15e position, il y aura Missy Elliott. Missy Elliott avec la Sky version de Get Your Freak On. Et avant de réattaquer le hit, c'est la Sky Roulette. Yo, what's up, y'all? This is Kelly. Plus la toute la PlayStation 2. Ça chauffe tout de suite dans la Sky Roulette. Allô, Vanessa? Salut, Vincent! Ça va, Vanessa? Ça va super bien! Bon, t'as quel âge, t'es où, Vanessa? J'ai 18 ans et je suis sur Marseille. R. Kelly qui va bientôt passer à Marseille. Ça sera le 10 octobre au Dôme. Peut-être des places pour toi dans la Sky Roulette ou sinon la PlayStation 2 avec la télé et un jeu Extreme G3. Ça tombe au moins une fois par jour dans la Sky Roulette. Bah, peut-être pour toi, Vanessa, faut crier stop au bon moment. D'accord. Voilà. Stop. Skyrock, c'est la première radio musicale à Marseille. Vanessa? Oui. Une PlayStation 2 pour toi. Avec une télé écran plat 55 cm. Et le jeu Extreme G3. Ça tombe au moins une fois par jour. Merci Sky. Et c'est pour toi, Vanessa. Merci. Un grand merci à Sky. Bah de rien. Et alors, Vincent, je voudrais te dire que t'as une voix qui me fait craquer. J'ai dit à la standardiste tout à l'heure. C'est d'accord. T'as une voix qui me fait craquer. Voilà. Ok, bah c'est gentil. C'est gentil, je Vanessa. Je voudrais faire un gros bisou à la standardiste, c'est hyper sympa. Gros bisou à toute l'équipe de Sky, à Fanny, à Marc, à Fabrice et à tous ceux qui m'ont reconnu. Voilà. Et bah éclate-toi bien à Marseille alors. Merci beaucoup. À bientôt, Vanessa. Ciao. À bientôt, ciao. Ciao. Et le Hit Skyrock Snack, la suite, on revient avec la 15e position. Ça sera Missy Elliott avec la Sky version de Get Your Freak On. En 14e, une réentrée, Alia et Timbaland avec Winnie de Resolution. Et puis la Sky Roulette, elle retournera dans la journée au 01 53 40 30 20 avec toujours des places pour les concerts d'R. Kelly en France. Et puis on remet en jeu une télé avec une PlayStation 2, la Sky Roulette, qui peut tourner à tout moment au 01 53 40 30 20. Skyrock, tous les soirs, 20h. Tous les soirs, 20h. Mars 2001. Planetrap te fait découvrir Art de rue. Le nouvel album de l'AFF. Vendu depuis à plus de 300 000 exemplaires. Cette semaine, Planetrap remet ça. Avec la compil mixée par Gel, de la Funky, du son rap, et du raga. Avec Linka du 113, d'un PPDA de KDB, et aussi Menzo, ça t'es Don Juan de la Funky Family. Cette semaine, Gel, le DJ de la Funky squatte les platines de Planetrap. Et ça se mate en exclu sur skyrock.com. C'est Planetrap. Planetrap avec Fred, l'émission rap de référence. 20h-21h. Tous les soirs sur Skyrock. Allô, madame. Écoute bien. Si t'offres pas à ton fils dans l'heure qui suit le forfait ado 1h30 de Bouygues Télécom, et ben ton chihuahua, je lui fais la coupe iroquoise. Et je rigole pas, maman. Elle a compris, la petite dame. Forfait ado, c'est 1h30 de communication, plus 30 SMS offerts chaque mois, le tout pour seulement 155 francs par mois. Alors qu'un chihuahua tout neuf. Bouygues Télécom, la plus belle façon de s'entendre. Informations et conditions au 0805 909 909. Appel gratuit. Skyrock. 08 36 69 88 89. La première messagerie rap qui déchire. 08 36 69 88 89. Pour tchatcher avec des mecs et des nanas qui, comme toi, kiffent le rap. Avoir toutes les news hip-hop, écouter les dernières bombes. Et choper un max de cadeaux. 08 36 69 88 89. La ligne 100% fera. 2,21 francs la minute. Eminem présente son groupe au grand complet, D12. What's going on in the world today? People fighting, feuding, looting, it's okay. Let it go, let it flow, let the good times roll. Tell them great. It ain't nothing but music. What's going L'événement on in the world D12. Today? People fighting, feuding, looting, it's okay. Premier album, Devil's Night, produit par Eminem et Dr. Dre. It ain't nothing but music. Déjà dans les bacs. Un disque Universal Music. Skyrock. Votre rentrée étudiante avec le Crédit Lyonnais. Allez, tu viens, on va au ciné. Non, pas maintenant, j'ai rendez-vous avec Laurent. C'est qui celui-là? Quelqu'un qui sait m'écouter, me permet de gérer ma vie comme je l'entends. Hein? Bah oui, il me conseille à distance sur e-Crédit Lyonnais. À distance? Et comme on déménage bientôt, pas besoin de changer de banque puisque je garde contact avec lui sur le net. Non, il est génial ce Laurent. Mon gros lope, offre-t-il une crise de jalousie? Non, non. Pour la rentrée, le Crédit Lyonnais vous propose avec sa banque en ligne e.creditlyonnais.fr un conseiller personnel où que vous soyez. Crédit Lyonnais, votre banque et vous, c'est maintenant. Demain, 6h39, Tifoul revient sur Skyrock. Encore plus longtemps. On est là jusqu'à 9h maintenant, tous les matins. Encore plus drôle.

C'est la deuxième meilleure entrée cette semaine du Hit Skyrock Fnac, directement à la 12e position, les Destiny Child avec Botti Lichutz. Et puis vous l'avez remarqué, c'est une version exclusive qu'on vous a passée. Les Destiny Child avec Missy Elliott, premier passage en radio cette semaine à la 12e position du Hit Skyrock Fnac. Rockin' on your radio. Skyrock. Et bon dimanche matin, bon week-end sur Skyrock. C'est Vincent, le Hit Skyrock Fnac tous les dimanches de 10h à midi. Les 19 meilleures ventes de singles dans toutes les Fnac de France. On saura tout à l'heure à midi si Manu Chao est toujours numéro 1 du Hit Skyrock Fnac. D'ailleurs, si vous avez une idée sur le numéro 1 de cette semaine, vous nous appelez 01 53 40 30 20. On vous file les 10 premiers du 8 en CD single si vous nous dites qui est numéro 1 cette semaine du Hit Skyrock Fnac. On continue le classement en 12e position. C'est Matt avec l'Ortco City, Cendrillon du ghetto. Yo girl, feel real. Hey girl, devine qui est là. L'Ortco City alongside Matt Houston pour toutes les Cinderella. Hey yo, and the girl them tune again, yo, Matt Houston. Yo, Cendrillon. Tous les week-ends tu sors. Et tu aimes les clubs hip-hop. Oh, tout comme moi. Oh, tu es si belle. De venir ton prince charmant, c'est mon rêve. Je me fous que cette cité soit la tienne. Je m'oublie quand je vois ton corps bouger sur le dance floor. Sexy, c'est le vrai. Je n'en peux plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, là c'est le gros. Sexy, bien chaud. Original ghetto girl. Parler du ghetto, girl. Devant ton one woman show, girl. Tu sais que Martin le flow, girl. J'ai des sexy gimmicks. Bouge ton mal et c'est dans les dames. Quand tu danses, tu sèmes la panique. Avec tes oeufs hypertoniques. Y'a le psychédélique, j'ai la technique phallique. La voix métallique, je suis un pur sadique. Cendrillon du ghetto, ma boîte de manix. Un style classique, dis comment je te mix. Cendrillon du ghetto, tu es ma Cinderella. Sur le mic, tu es un killa, je t'invite dans ma villa. Tu me donnes mal à la tête. J'kiffe quand tu te la pètes, girl, c'est pas la fête. Guada, Madinina, love on a bat.

After the show, it's the after party then. After the party, it's the hotel lobby then. After the Bellevue, then it's probably Chris. And after the original, it's probably this. Yes, Fiesta, Fiesta. Remix with the homie from the Midwest side. Game recognized, game do too. It's a new two live crew, I suppose you're new. So thugs, the toasters, but don't approach us or to chase you like Moet Mimosas. Catch us both coasters, racing twin poachers. Boxers with to the pop, you to make you closer. Whoever come closest, you've been warned. But don't get the picture till the is drawn. Make your way backstage, baby girl is on. And we'll be drinking till 6 in the morning. In the back of the club with my mom. Popping bottles of Chris with my mom. Put the bar on the tap for my mom. Throwing hundreds up for grabs for my mom. It's about to go down tonight. I'ma be drinking till the early desire. Shout it like I'm kids. I take 300 just to make me feel resigned. My, my, my, my. It's what they all say when they see the frozen eyes. They say, my, my, my, my. Anytime they see them big things on the side. Why y'all got a club date? I'm out with Arena. Such a man saying, have you ever seen her? Yeah, she with me on the low, getting off the. Got a on the floor, Fiesta. 6 in the burbs. I met a ball named Tasha in the burbs. Took the hood and I moved it to the burbs. Now no more sheriffs or police is in the burbs. Now we about to tear this club up. Don't worry about expenses cause I got that shell up. Ready to move like I'm fresh out of the air. I need some boo from all the honeys on the dinner. My. That's what them thugs yelling when the strippers on the pizzo. They say, my. Keisha yelling from that up and down, she's old. Well, y'all got a club that I'm up with arena. Such a man saying, tell me I've seen her. Yeah, she with me on the low, getting on the gun. Yo, I put this big body up, come through in a Rover. Not only Kelly and Gotti, it's Boo and Hova. Pop Chris if you like, my ice glisten alike. I'm with Rockland, right? So I'm rich for life. I'm like heaven, everybody wanna get to me. How you make it to the gates and forget the key? I'm the one God chose, so you blessed through me. Gotti Floyd, get you in that. Hey yo, I come through stunning. Plus I'm getting in the new 600 with the big rims on it. We rock rocks that delight your shoulders. Got a lot of hot cars, but the drops is colder. You see VIP, me, Kelly, Gotti, and Ho. Drinking Chris like it's H2O. All we do is spin teas, cause we love the dough. Mommy, more before it's time to go. Now come if on. If you got cash money, then you feel it. And if you're rolling on them things, then you feel it. If you're drunk off in the club, then you feel it. If you're some money making dog, then you feel it. Those who then you feel it. And if your hands is in the air, you got to feel it. If you're sipping on some Chris, you got to feel it. And if you're throwing up in shit, you got to feel it. Kelly et Jay-Z, son 9e cette semaine du Hit Skyrock Snack. R. Kelly et Jay-Z avec Fiesta dans la Sky Roulette. On a toujours des places à vous filer. 200 en tout pour aller voir R. Kelly en concert le 5 octobre à Paris-Bercy ou le 10 octobre au Dôme de Marseille. Le Hit Skyrock Snack tous les dimanches de 10h à midi. Les 19 titres les plus vendus dans toutes les Fnac de France. On va revenir avec la 8e position. C'est Jennifer Lopez. Et It Funny, ça arrive. Et si vous avez envie de pécho en CD single les 10 premiers du hit, vous nous passez un coup de fil pour gagner les 10 premiers du hit en CD single. C'est facile, vous nous dites qui sera premier du hit Skyrock Fnac tout à l'heure à midi. 01 53 40 30 20. Tous les jours sur Skyrock, Extreme G3 débarque sur ta PlayStation 2. Extreme G3 débarque sur ta PlayStation 2. Pendant 15 jours, Skyrock t'offre ta PlayStation 2. Le jeu Extreme G3. Une méga télé 55 cm avec écran plat. Ta PlayStation 2. Extreme G3. Et ta télé 55 cm. Tu chopes la totale une fois par jour. Une fois par jour sur Skyrock. Et Skyrock, c'est la radio musicale la plus écoutée à Paris. Premier sur le rap, c'est Skyrock. Avant de réattaquer le hit, la FF sur Sky. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Le thème c'est art de rue, des jazz qui pratiquent et ce qui aime, ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. Ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tague sur le fourgon. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit. On désire toujours faire mieux, vu que la vie n'est qu'un test. Et que toutes les situations sont complexes. On pense et l'esprit dit fait le pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux. Savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Morveux, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour. Mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA.

Skyrock Night. Et en quatrième position cette semaine, c'est MC Solar. MC Solar qui perd deux places avec Hasta La Vista au 01 53 40 30 20. On vous file les 10 premiers du hit. Si vous nous dites qui sera premier du hit Skyrock Fnac cette semaine, les 10 premiers en CD single. Et on va revenir avec la troisième position cette semaine, c'est Mary J. Blige qui gagne deux places avec Family Affair. Tiful revient sur Skyrock. Encore plus longtemps. On est là jusqu'à 9h maintenant tous les matins. Encore plus drôle. Un peu moins con. Imbécile. Avec plus de mari. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Plus de Romano. Plus de famille. Ouais, alors c'est quoi le bordel là? Tiful. Ah, Tiful. Tiful. Demain matin, 6h30, 9h sur Skyrock. Votre rentrée étudiante avec le Crédit Lyonnais. Ah, Fred, je suis en pleine galère. Oh, raconte. Eh ben, j'ai trouvé un studio près de la fac. Ah oui, c'est génial. Hein. Attends, l'agence me lâche à condition de laisser 2 mois de caution. Ah oui, et puis en plus les bourses et l'APL tardent à venir. Ah bah, c'est sympa de me rassurer. Écoute, va au Crédit Lyonnais. Ta banque. Ah oui, ils trouveront bien une solution à ton problème. Tu verras, ils sont pas méchants. Et en plus, tu pourras même y aller en tong. Ah ouais. Pour une rentrée sans souci, le Crédit Lyonnais accompagne les étudiants. Pour toute information, rendez-vous dans l'une de ses agences. Crédit Lyonnais, votre banque et vous, c'est maintenant. Allô, monsieur. Écoute, si t'offres pas ta fille le forfait ado de Bouygues Télécom, celui qui se bloque en fin de forfait, eh ben ton petit Gabriel Esport, je vais te le repeindre en zèbre. Et je suis très sérieuse, papa. C'est clair pour le monsieur. Forfait ado, c'est seulement 155 francs par mois. Et les communications se bloquent au-delà du forfait. Comme ça, on garde le contrôle des dépenses. Et aussi son petit cabriolet. Bouygues Télécom, la plus belle façon de s'entendre. Informations et conditions au 0805 909 909. Appel gratuit. Tu cherches une meuf? Ou un mec? Viens sur le 3615 Skyrock Rubrique Direct. Et branche en direct tous ceux qui sont déjà connectés sur le Minitel et sur le chat de Skyrock.com. 3615 Skyrock Rubrique Direct, c'est aussi là que t'envoies tous tes messages en direct aux animateurs. 3615 Skyrock Rubrique Direct à 1,28 la minute. Skyrock. 08 36 69 88 89. La première messagerie rap qui déchire. Qui déchire. 08 36 69 88 89. Pour tchatcher avec des mecs et des nanas qui comme toi kiffent le rap. Avoir toutes les news hip hop, écouter les dernières bombes. Et choper un max de cadeaux. 08 36 69 88 89. La ligne 100% pleura. 2,21 la minute. Eminem présente son groupe au grand complet. D12. What's going on in the world today? People fighting. L'événement D12, premier album Devil's Night, produit par Eminem et Dr. Dre, déjà dans les bacs. Un disque Universal Music. Skyrock, tous les soirs, 20h. Tous les soirs, 20h. Mars 2001. Penetrap te faisait découvrir Art de Rue. Art de Rue, le nouvel album de la FF. Vendu depuis plus de 300 000 exemplaires. Cette semaine, Planetrap promet ça. Avec la compil mixée par Gel, du de la Fluky, du son rap, et du raga. Avec Linka du 113, d'un PPDA de KDD, et aussi Menzo, ça t'es bonne joie de la Funky Family. Cette semaine, Jay, le DJ de la Funky squatte les platines de Planetrap. Et ça se mate en exclu sur Skyrock.com. C'est Planetrap. Planetrap avec Fred. L'émission rap de référence. 20h-21h. Tous les soirs sur Skyrock. Et Roca et l'original dans une minute sur Sky. Vous pouvez jouer les 5 notes. Carlotta Film présente Rencontre du troisième type, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg pour la première fois en son numérique, en exclusivité à Paris sur l'écran géant du Gaumont Kino Panorama. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Attention événement. La salle sera décorée avec la montagne et le vaisseau du film en grandeur nature. J'ai jamais vu un truc pareil. Au cinéma le 12 septembre avec 13e rue et Skyrock. Qu'est-ce qui se passe là? Bonne rentrée avec Wanadoo. En ce moment, Wanadoo vous offre 20 heures d'internet. Pour bénéficier de cette offre valable jusqu'au 30 septembre et de la garantie Wanadoo, consultez les conditions dans votre agence France Télécom ou dans un magasin spécialisé. Ou appelez vite le 0810 04 05 06. 0810 04 05 06. Prix appel local. Wanadoo, internet avec France Télécom. FM Skyrock. C'est le retour de l'original, mamita. L'homme aux mille jours, celui tout le monde imita. On a voulu monter les vivants, je reviens comme un Inca. Un boomerang, une légende, à moi tout seul, je prends ma grande. Demande à tes gars, combien d'aime si ça va payer de l'or. J'ai un CV derrière moi, long comme un anaconda. Ceux qui parlaient derrière moi prennent des coups comme une conga. Ici, ras sont les bons gars, je reprends des vaches, mais pour le combat. Mais je suis pas con, au point de mourir pour une couleur bandana. Rappelle-toi, je donne la clique à de sa force spéciale à Squadra. D'écouter que ça, de crier avec moi. En 93, dans deux points, venait du bout de la ligne 13. Ça foutait un malaise, ce qu'avait pas de flow, fallait qu'il se taise. Je referme la parenthèse. Reste connecté, laisse tout couler. Papy, ton déchoqué, t'es stoppé. Et dans mon élan, personne peut m'arrêter. On essaye de comparer sans cesse de trouver mes faiblesses. Si je prends pas d'elle ou m'inspire d'un autre pour réduire mes prouesses. Je reviens plus fat qu'avant, je suis comme le rhum. Chico, plus je prends de l'âge, plus je suis fort et tenace. Chico, même quand je fais rien, je suis pas là, tu parles de moi encore. Si tu m'aimes pas quand je vis, ne pleure pas le jour de ma mort. Spécialiste, oh, d'un mètre 70 plus de 70 kilos, le salsa en piste. Les mises se réjouissent, te fais tourner la tête comme un disque. Tu prends des risques si tu m'écoutes pour lire la notice. Ça fascine tout le monde, fils à papa, bandit branché dans l'île. Samedi, c'est de la folie, tout ce qu'est latino plein. J'ai vu des petits dans le coude, tu bois du long pour ballon. Et puis, tu veux déjà changer ton nom pour faire Jean Philippe. Ça te rend dingue, t'es accro, tu te demandes qui t'a pris. Si tu kiffes, c'est normal, n'oublie pas que ça vient de Colombie. Pour la mec, ainsi affine, je t'envoie tout la vibe latine. Assassina, je vais de tous les quartiers, là, c'est ce que descarga callejera para bailar. Pero mi vida, dale, dale, dale, guindale. De 10h à midi tous les dimanches, le Hit Skyrock Fnac. Les meilleures ventes de singles dans toute la France. Numéro 3. Gotta have a numéro 2. San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Tous les dimanches, de 10h à midi, le Hit Skyrock Knack. Et Manu Chao n'est plus numéro 1 du Hit Skyrock Knack puisqu'il perd une place cette semaine. Il est deuxième pour découvrir le numéro 1. C'est Hakim. Allo Hakim. Ouais, salut. Salut Vincent, salut à toute l'équipe de Sky. Eh ben, sois le bienvenu sur Sky. Hakim, t'as quel âge? Merci. T'appelles d'où? Alors, j'ai 21 ans, je m'appelle de Calais. D'accord, à ton avis, qui est numéro 1 du Hit Skyrock Knack cette semaine? Bien sûr, c'est Usher. Oui. Avec You Remind Me. Eh ben, bien vu, hein. Usher, meilleure entrée du Hit Skyrock Knack cette semaine, directement à la première position. You Remind Me. Eh ben, bravo à toi. Tu repars avec les 10 premiers du Hit en, en CD single. Il y a, pour toi, donc, il y a Usher, il y a Manu Chao, il y a Mary J. Blige, il y a MC Solar, il y a, qui d'autre? Il y a Dante Thomas, il y a Naughty, il y a Wallen, il y a, le nouveau Jennifer Lopez, t'as aussi R. Kelly et puis Brandy. Voilà. Ah, la balle, la balle. Trop content, là. On t'envoie tout ça à Calais, Hakim. Ok, je peux faire une petite dédicace. Vas-y. Donc, une dédicace vite fait à Leïla, Amélie, Momo, à Cap qui vient de se réveiller, à Félix, à Sandy, Philippe, et spécialement pour Isla, la standardie. D'accord, et puis les dédicaces, c'est avec Marine dans 3 minutes de midi à 15h au 01 53 40 30 20. A plus Hakim. Ok, je vous remercie bien. Ciao. Et premier cette semaine du Hit Skyrock Snack, c'est Usher avec Yuri Magni. Numéro 1. Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. She even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you, baby. You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I look. She was the one for me, till I found out she was on her creep. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be. You remind me of the girl that I once knew. See her face whenever I why I just can't get it. Whenever I look at you, wouldn't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you. Meilleure entrée du Hit Skyrock Snack cette semaine et entrée directement à la place de numéro 1. Usher qui ne rigole pas, c'est Usher sur Sky avec Yuri Magni. Le prochain Hit Skyrock Snack, ça sera dimanche prochain entre 10h et midi. Notez également qu'il y a une nouvelle émission sur Sky du lundi au vendredi de 10h à midi, le Hit des auditeurs avec Ben pour faire évoluer le Hit. Vous votez sur le Minitel, le 36.5 code de Skyrock et sur le skyrock.com. Voilà, et autre nouveauté sur Skyrock, les dédicaces. le dimanche midi avec Marine. D'ailleurs, le numéro 1 du hit des auditeurs vendredi, c'était Alia, I Refuse. On l'écoutera tout à l'heure sur Skyrock. Dans l'heure, là, d'ailleurs. Oui, merci Vincent, c'est vrai, c'est une nouvelle émission. Eh oui. Tous les dimanches, maintenant, midi 15h, on va faire des dédicaces. Exactement. Pourquoi tu fronces les sourcils? J'ai dit une bêtise encore. Mais pas, c'est toi qui as froncé les sourcils. Ouais, bon. Je dis toujours des bêtises, alors je vais en dire encore pour te faire plaisir. Je sais. D'accord, ok, très bien. Bon, les dédicaces, Marine, c'est parti sur Sky. À plus. À plus. À plus, Vincent.